Et si tu voulais de moi encore, pense un peu d'attendre de moi. Tu avais ton cœur, ton corps. Et si je n'avais pas la beauté des symboles, oh, si une flamme brûlait encore. Et si tout ne s'effaçait pas derrière soi, aussi résistait ces ombres dans les décors. Si nous n'étions pas prisonniers, ne pas se punir du passé. Je t'attends, tu reviens. Meurt-on à jamais? Avancer, commencer autrement. Effacer les erreurs. Pas de promesse, aimer ce que l'on est. Écarter le sale, la pourriture. Le plus dur est de tuer le passé. Comment se réaliser sans écraser les autres? Thank you. que ça. Que ça.